En général, les mamans, quand on est petit et qu'on fait, enfin, qu'on va vraiment pas bien parce qu'on est malade, elles se posent direct la question, enfin, elles se posent pas la question, mais elles se disent on est malade et qu'on n'est pas obligé de rester à la maison, mais on cherche pas d'excuses pour aller en cours ou des choses comme ça. Et du coup, en général, ils nous laissent à la maison pour nous soigner. Après, quand on a trouvé la technique et qu'on devient plus grand et qu'on veut essayer de reproduire la technique, ça marche pas souvent parce que, genre, on a déjà fait la technique à plusieurs coups et du coup, ça marche plus. Mais est-ce que nos mamans aussi, ils peuvent comprendre qu'il y a quelque chose derrière si on fait ça souvent? Essayer de trouver pourquoi on ne veut plus aller en cours ou des choses comme ça, en fait, ou nous comprendre pourquoi on n'arrive pas à telle chose, ou à vouloir faire ça, mais qu'on ne peut pas, ou des choses comme ça. Puis aussi, qu'elles nous laissent. Enfin, il y en a, elles laissent beaucoup de liberté, il y en a, elles sont plus vraiment protection, protection, protection. Elle est comment la tienne? La mienne, elle est liberté, mais protection, c'est un peu des deux. Mais en vrai, ça va, elle me laisse beaucoup de liberté, je trouve, du moins, vu que je suis grande un peu plus. Et que, elle m'a prévenu toute mon enfance aussi des dangers que je pouvais avoir, même si des fois elle me refait des rappels. Par exemple, sur des mauvaises fréquentations aussi sur les réseaux, que ce soit irréel ou des choses comme ça. Et bah, elle a raison. Du coup, faut toujours écouter sa maman. Toi, t'écoutes toujours ta maman? Non. Mais tu te rends compte qu'elle a souvent raison quand même. Oui, à chaque fois, elle a raison. En plus, elle nous dit, vous allez voir, elle va avoir raison. On lui dit, mais non, non, non. Et après, en fait, elle avait raison. Après, elle nous Et comment ça se fait alors que tu l'écoutes pas tout le temps? dit, bah, on est adolescent, du coup, on veut faire ce qu'il y a à notre tête. Du coup, des fois, on va pas l'écouter, alors qu'on sait très bien qu'elle a raison au fond de nous. Mais on fait qu'à notre tête et on dit non et tout. Mais après, elle nous dit, ah, je vous avais dit. Après, il y a la famille. Il y a les embrouilles qui se passent dans la famille. Il y a des histoires personnelles. Et puis voilà. Après, c'est vrai qu'en 2021, maintenant, il y a tout le monde qui divorce. On voit plus beaucoup de couples. On voit plus beaucoup de personnes ensemble. Et voilà. Après. Toi, tu as envie de raconter une histoire de ta famille? Moi, je sais que mon père, il était très violent avec ma mère, que ma mère, elle n'a pas voulu se marier avec mon père, qu'elle a eu un mariage arrangé. Et à l'heure de maintenant, ma mère, elle se faisait taper par mon père depuis, je sais pas, depuis 10 ans, depuis même un peu plus. Et moi aussi, mon père, il a commencé à être violent avec moi. Et à l'heure de maintenant, ma mère, elle n'est plus avec mon père. Chacun fait sa vie d'un côté. Ma mère, elle a repris sa vie, et mon père aussi. Et voilà. La famille, franchement, ouais, à notre adolescence aussi, parce que c'est pas parce que c'est ta famille que tu dois leur parler en fait. Parce que moi j'ai vu dans ma vie, la famille, c'est pas toujours. Des fois il y a des amis, ils sont plus de la famille que ta propre famille. Et oui, ça reste ta famille parce que vous avez le même sang, mais au bout d'un moment, si c'est hypocrite, faut couper les liens, quoi. Faut pas rester dans un environnement qui est trop malade, quoi. Du coup, la famille, c'est important, c'est très important. Surtout, la famille qui est très importante, c'est ta mère. Tes frères et sœurs, c'est le plus important. Après, il y a tes cousines proches, oui, c'est important, mais tu te dis que peut-être à tout moment, elles peuvent te faire un coup, même si c'est tes cousines, quoi. Alors que ta mère, tes frères et sœurs, tu vois pas ils vont pas te faire un coup, c'est tes frères et sœurs, c'est ton vrai sang, on va dire. Du coup, c'est ceux qui vont plus te porter vers le haut, c'est ceux qui vont te dire non, fais pas ça, fais pas ci, parce que ça, c'est ça. Alors que les cousines, oui, certes, elles vont te dire ça aussi, mais des fois, tu as ce petit doute que peut-être. Il y a un truc qui va se casser, quoi. Je suis pas forcément d'accord parce qu'il n'y a pas que la famille en fait qui veut ton bien. Genre, ça peut être ton frère ou ta sœur. Par exemple, on va te donner un exemple, c'est un peu bête, mais par exemple, dans les Marseillais, il y a Océane, elle a pris le copain de sa sœur en fait. Et ça, c'est inadmissible en fait. Tu peux pas prendre le copain de ta sœur alors que c'est ton vrai sang. C'est même pas genre une demi-sœur ou quoi, c'est son vrai sang. Donc pour moi, ça déjà, c'est pas ta famille en fait. C'est propre à chacun après, ouais, je pense, ta famille. C'est ça. Là, ils ont des problèmes avec leurs parents. Oui, c'est vrai. Ça dépend, ça diffère, ça diffère des différentes personnes. Vous, votre famille, c'est une ressource ou pas pour Oui. Vous? Oui. Oui. Asma, tu veux dire un papier? Famille. La famille. Famille. Famille. Dans la famille, ça revient un peu à responsabilité. On va jouer un rôle plus important. On grandit, du coup, notre mère, elle va nous demander, ou notre père, ou notre frère, ou notre sœur, ils vont nous demander beaucoup de choses. Oui, tu peux m'aider pour ça. Oui, il va m'acheter ça. Mais on a un rôle. On consacre pas beaucoup de temps pour la famille, en vrai. Enfin, on pense plutôt à sortir. On passe pas beaucoup de temps avec notre maman, nos frères et sœurs. Et on se rend pas c'est compte. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. On se rend pas compte parce que du jour au lendemain, en fait, on peut tout perdre, mais on s'en rend vraiment pas compte. C'est vrai que des fois, je pense qu'on culpabilise tout un peu de trop profiter en fait entre copines et de pas assez profiter avec notre famille. Ouais, on doit plus profiter avec la famille maintenant qu'on est petit, parce que quand on va grandir, après, il faut séparer. Il faut séparer. Moi, je sais que ma mère, par exemple, elle va pas rester en France. Elle compte partir du coup en Algérie, habiter là-bas. Asma, mes parents vont partir au Maroc. Nous, c'est un peu plus comme ça. Nos parents, ils veulent tous partir un peu d'ici. Ils veulent tous partir. Donc, c'est pour ça faut qu'on profite. Parce que nous, après, on va grandir. On va faire notre vie ici, quoi. Ouais. Et on les verra plus trop. Parce qu'on peut pas aller au Maroc ou en Algérie en un claquement de doigts. C'est. Voilà. On n'en profite pas assez. Alors que nos amis, plus tard, qui sait, même si on habite ne serait-ce que, par exemple, Montpellier, Chambéry, si on devait se parler, c'est pas grave. Parler, ouais. Si on doit se parler, on sait plus utiliser les réseaux sociaux que nos parents, on peut s'appeler en FaceTime. Rester en contact. Montpellier, c'est pas très loin, exemple. Ou d'autres villes, on n'est pas très loin. On prend le TGV ou même la voiture, on n'a même pas 5 heures, 3 heures, on est ici, quoi. On peut se voir, même pour des événements, quoi. Du coup, c'est pour ça qu'on profite pas assez, alors que plus tard, on aura encore beaucoup le temps. Mais à l'adolescence, des fois, on parle de crise, de conflit avec la famille. Personnellement, moi, chez moi, j'en fais pas. Je pense que c'est plus nos grandes sœurs qui en font. On peut répondre. Enfin, quand on est énervé, on peut répondre. Oui. Mais des fois, on regrette. En fait, des fois, on regrette de répondre. Parce que des fois, en fait, on répond à nos parents. Et en vrai, faut pas trop. En vrai, c'est pas bien ce qu'on fait. Parce que. Moi, j'évite à tout prix. Mais on est vite énervé. Des fois, les nerfs, c'est que. Des fois, on n'a pas de. Surtout là, on n'a vraiment plus de patience qu'on avait. Alors que nos parents, ils ont eu de la patience à nous éduquer. Ils ont travaillé pour nous. Ils ont fait beaucoup de choses. Et nous, je regrette vite. Je regrette vite. Et je vais m'excuser auprès de ma mère. Je vais lui faire des bisous. Après, des fois, elle me dit, mais pourquoi tu fais des bisous? Et je regarde, je me dis, ça se trouve, elle, dans un coin de sa tête, elle va se dire, elle m'a mal parlé, ça me fait mal au cœur. Mmh. Alors qu'on est leurs enfants, en fait. Qu'on essaie à tout prix de pas faire ça, mais voilà, moi, des fois, je sais que ma sœur, quand je vois qu'elle parle un peu mal à ma mère, je lui dis, arrête de mal parler à maman. Je lui dis ça, et après, elle me dit, toi ici, alors arrête de mal lui parler. Je fais, moi, je sais à tout prix de pas mal lui parler. Mais des fois, vraiment. Ouais, c'est plutôt les grandes sœurs, quoi. Ouais. Quel âge? Parce qu'elles sont l'aînée ou parce qu'elles sont l'âge à votre âge. 18 ans, elles ont elles sont majeures, quoi. 18, à peu près. Hein? Entre les deux, 15, ouais. Ouais. Moi, 27. Ouais. C'est vrai, en fait, c'est plus les grandes sœurs. Hein. Enfin, nous. Alors, du coup, quand vous aurez 18 ans, vous pensez que vous allez faire pareil ou pas? Non, j'espère pas. On va éviter. Après, il y a les grands frères aussi. On n'a pas les mêmes attentes. Après, il y a les grands frères. On n'a pas les mêmes attentes que nos grands frères. Ouais, à ce moment, on a un grand frère chacun. Attends, on finit la semaine. En fait, on n'a pas les mêmes attentes parce que nos grandes sœurs, elles veulent plus de liberté, si on peut dire ça comme ça. Par exemple, nous, on va juste vouloir sortir en ville alors qu'elles vont vouloir. Je sais pas, moi, partir avec leurs copines en vacances. Ouais, voilà, dans une autre ville. Et pour les parents, c'est leurs enfants, quoi. Ils ont toujours peur. Et c'est pour ça, ça commence ici, quoi. Mmh. Quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Après, il y a les grands frères. Et les frères. Même les petits frères. Ouais, Mélina. en fait, là, on a tous des petits frères et des grands frères. Bah, c'est vrai que des fois, quand c'est le seul garçon de la famille, personnellement, moi, c'est mon cas avec. Mélina et Nawel et Inaya, c'est les seuls garçons de la famille, nous. Asma, elle en a deux. Et des fois, c'est vrai qu'eux, ils sont un peu là pour nous mettre la pression, malgré qu'ils soient petits ou grands. Hein. Des fois, ils défendent et tout, c'est mignon. Mais ouais. Et vous mettez la pression par rapport aux parents? Ouais, parle pas comme ça, fais attention à ce que tu dis, etc. Et vous réagissez comment, là, quand ils font ça? Ah, moi, je sais que je me tais. Je disais rien. Toi, j'allais dans mon grand. Oui. Tu l'écoutes? Oui. Je disais là. Comment vous faites pour être aussi mature à votre âge? Moi, j'ai toujours. En fait, j'ai ma grande sœur et depuis mes 2 ans, je suis collée à elle.